inutile de se battre contre le vent tant qu'il souffle. Tu respires, petite île de cinéma. De se battre contre le vent tant qu'il souffle.